C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien. Les gens qui ne sont rien.